Au fil du temps qui m'a fait vieillir, j'ai élagué des branches pour tailler dans l'écorce de mes sentiments. Je suis arrivé désormais à la sève. Peut-être ne souhaites-tu pas en arriver là, mais si tu le souhaites, je serai avec toi dans le temps qu'il te faudra. J'ai élagué des branches pour tailler dans l'écorce de mes sentiments. Au chemin faisant la pluie et le beau temps, j'ai marché pour un autre présent, tenant dans ma main un bâton de fortune. Des airs reviennent sur le souvenir de l'été dernier. T'es simple sans être simpliste, si l'on avait été autrement et moins douloureux. Reprenant une autre route, je pense à toi depuis l'autre jour. Clopin, clopin, j'ai quitté l'île des enfants qui me réconforte parfois des mesquineries rencontrées. Au fil du temps qui m'a fait vieillir, j'ai élagué des branches pour tailler dans l'écorce de mes sentiments. La matière fine est subtile, les nuages disparaissent derrière les arbres désormais. La duvet cocooneux s'en est allé pour devenir flou avant l'orage. Le ciel est mystérieux comme une variété de roses sur un fond de tableau sombre. Au fil du temps qui m'a fait vieillir, j'ai élagué des branches pour tailler dans l'écorce de mes sentiments. La chaleur vacante des nuits froides, aux froids extrêmes que j'imagine, sur la digue qui se fesse, je crois sentimentalement à l'absolu, l'absolue compagnie féminine qui ne fusionnerait pour ne faire qu'un. L'absolue compagnie féminine qui ne fonctionnerait pour ne faire qu'un. Sa voix entrerait en écho avec moi dans les mois. Cependant, je me demande si c'est envisageable. En effet, il faudrait qu'elle soit présente sur mes genoux.